Chapitre 19e. Le duc d'Evry. Ainsi que nous l'avons déjà dit, le duc d'Evry n'était pas marié, mais il n'en recevait pas moins en certaines et rares circonstances les beautés du comté dans sa magnifique résidence de campagne et l'élite des femmes à la mode dans son somptueux hôtel de Belgrave Square à Londres. En cette circonstance cependant, la société invitée au château de Guthrum, tel était le nom de son manoir, devait se composer exclusivement des seigneurs de la création. C'était un de ces grands jours où le duc réunissait autour de sa table tous les hommes un peu influents du comté, afin que sa popularité ne diminuât point et que son hospitalité tant vantée ne perdît rien de sa célébrité. Il n'était donc guère probable que Lord Courcy fît partie des convives. La société qui se rendit de chez lui à Guthrum n'était pas très nombreuse. Elle se composait de l'honorable George, de M. Moffat et de Frank Gresham. Ils partirent dans un tax-cart avec deux chevaux en arbalète que conduisait George de Courcy. La quatrième place était occupée par un domestique chargé de prendre soin des chevaux à Guthrum. L'honorable George conduisait avec beaucoup de dextérité, ou avec beaucoup de bonheur, car ils arrivèrent sains et saufs à Guthrum, bien qu'il eût conduit très rapidement. Pauvre Miss Dunstable! Que serait-elle devenue s'il était arrivé quelque accident à cette voiture chargée de ses trois adorateurs? Ils ne se disputèrent pas leur Hélène, cependant, et arrivèrent en fort bonne intelligence à Guthrum. Le château, édifice moderne en pierre blanche, avait été édifié à grands frais par un des premiers architectes du temps. C'était un immense bâtiment qui paraissait couvrir presque autant de terrain qu'une petite ville. Cependant, on disait que lorsqu'il avait été achevé, le noble propriétaire avait découvert qu'il n'y avait pas une seule pièce où il pût s'installer commodément, et il se retirait volontiers dans une maison de campagne plus petite que son grand-père avait fait construire dans un autre comté. L'architecture du château de Guthrum appartenait à ce qu'on appellerait probablement le style italien, quoique je doute qu'on puisse jamais rien voir de semblable en Italie, édifice vaste et irrégulier, ou du moins le paraissant, avec deux longues ailes, trop hautes pour passer pour de simples accessoires, et un péristyle si immense que la maison avait l'air d'un grand bâtiment situé par derrière. Ce péristyle, supporté par des colonnes ioniques, était par lui-même un beau spécimen d'architecture. On y arrivait par un grand escalier, mais comme une pareille entrée ne convient guère à un Anglais, qui aime en général arriver en voiture jusqu'à la porte de sa maison, il y avait à l'une des ailes une autre entrée, le péristyle ne servant que dans les grandes occasions telles qu'aux visites des rois, des reines et des ducs du sang royal. Du péristyle, on passait dans le grand vestibule qui tenait toute la hauteur de l'édifice. C'était certes un magnifique vestibule, orné de marbre de différentes couleurs et des nombreux trophées de la maison d'Evry, tels que des bannières et des armures. On y voyait les bustes d'un grand nombre des nobles ancêtres de la famille et les statues en marbre de ceux qui s'étaient rendus célèbres, enfin tous les monuments de gloire que les exploits, la fortune et le temps peuvent accumuler. Si seulement on pouvait vivre dans son vestibule et y être toujours heureux. Mais le duc n'aurait pu vivre heureux dans le sien. Le fait est que l'architecte, jaloux de sa propre renommée, lui avait sacrifié tout le confort de la résidence ducale. Quoi qu'il en soit, le château de Guthrum est un édifice imposant. Situé comme il l'est sur une éminence et vu de loin, il offre un très bel aspect au milieu des collines boisées et verdoyantes. À 7 heures, M. de Courcy et ses amis descendirent de voiture devant la petite porte, car ce n'était pas un jour à grandes entrées, et d'ailleurs une voiture comme la leur n'eût pas été admise sous le péristyle. Frank était un peu plus agité qu'à l'ordinaire, car il ne s'était encore jamais trouvé dans la société du duc d'Evry. Et il se préoccupait du sujet de conversation qu'il aborderait avec l'homme qui était le plus riche propriétaire du comté, où lui-même, Frank, avait de si grands intérêts. Il résolut cependant de lui en laisser le choix, tout en se réservant le droit de lui faire observer combien le Barsetshire West, qui faisait partie du département du duc, laissait à désirer sous le rapport du terrain consacré à la chasse aux renards. On les débarrassa bientôt de leurs pardessus et de leurs chapeaux. Puis, sans les faire passer par le somptueux vestibule, on les introduisit dans un petit salon, c'est-à-dire petit relativement au nombre des convives qui y étaient déjà réunis. Il pouvait y en avoir une trentaine, et il sembla à Franck qu'ils avaient à peine assez d'espace pour se mouvoir librement. Le domestique les ayant annoncés, un homme s'avança au devant d'eux et les salua, mais notre héros vit tout de suite que ce n'était pas le duc, car cet homme était petit et gros, tandis que le duc était grand et maigre. On faisait beaucoup de bruit dans le salon. Chacun paraissait parler à son voisin, ou à défaut de voisin, se parler à soi-même. Le rang élevé du duc ne semblait nullement imposé à ses convives, qui causaient aussi familièrement entre eux que s'ils se fussent trouvés chez un simple fermier. « Lequel est le duc ?» demanda tout bas Franck à son cousin. « Oh, il n'est pas ici, » répondit George. « Je suppose qu'il viendra bientôt. Je crois qu'il ne paraît qu'au moment du dîner. » Franck garda le silence, mais il se sentait déjà un peu froissé. Il trouvait que le duc, tout duc qu'il était, aurait dû être présent et recevoir lui-même les personnes qu'il invitait à dîner. De nouveaux convives étant arrivés, Franck se vit poussé par la foule auprès d'un corpulent ecclésiastique de sa connaissance. C'était une bonne fortune pour lui, car M. Athale était un de ses amis. Il avait auparavant desservi une cure dans le voisinage de Greshamsbury, mais depuis la mort du recteur Stanhope, il avait obtenu le bénéfice plus avantageux d'Aderdown, et il était allé s'établir dans une autre partie du comté. Il tenait un peu du bon vivant et de l'épicurien. Ce fut avec sa jovialité accoutumée qu'il prit Franck sous sa protection spéciale. « Restez près de moi quand nous entrerons dans la salle à manger, » lui dit-il. « Je suis habitué au dîner du duc, et je sais mettre mes amis à l'aise aussi bien que moi-même. »« Mais pourquoi le duc ne vient-il pas ?» demanda Franck. « Il viendra aussitôt que le dîner sera prêt, » dit M. Athale. « Ou pour mieux dire, le dîner sera prêt aussitôt qu'il viendra. Je ne me préoccupe pas davantage de lui. » Franck ne comprit pas ce que M. Athale voulait dire, mais il ne lui restait qu'à se résigner et attendre. Il commençait à perdre patience cependant, car le salon était plein, et il était évident qu'on n'attendait plus personne, quand tout à coup une sonnette se fit entendre, un gong résonna, et au même instant une porte qui jusqu'alors était fermée s'ouvrit. Un homme grand, maigre et très simplement vêtu entra. Franck comprit qu'il se trouvait enfin en présence du duc d'Evry. Mais quoique sa seigneurie eût montré si peu d'empressement à remplir ses devoirs de maître de maison, elle ne paraissait nullement disposée à réparer le temps perdu. Elle resta tranquillement debout sur le tapis du foyer, le dos tourné à la cheminée, adressant quelques mots d'une voix très basse aux personnes qui se trouvaient le plus près d'elle. Un profond silence se fit tout à coup dans la salle. Lorsque Franck vit que le duc ne venait pas lui parler, il lui sembla qu'il était de son devoir d'aller le saluer, mais comme personne ne s'acquittait de cette formalité, il en témoigna sa surprise à M. Athale, qui lui dit que telle était toujours la façon d'agir du duc en semblable occasion. « Fothergill, » dit le duc en parlant haute voix pour la première fois, « je crois que nous sommes servis. » M. Fothergill était l'homme d'affaires du duc, c'est lui qui avait reçu Franck et ses amis à leur arrivée. Au même instant, le gong résonna de nouveau, et la porte de la salle à manger s'ouvrit. Le duc passa le premier, ses convives le suivirent. « Restez tout près de moi, M. Gresham, » dit M. Athale. « Mettons-nous vers le milieu de la table et de l'autre côté de la salle. Nous serons à notre aise et nous éviterons cet affreux courant d'air. Je connais la place. Restez près de moi. » M. Athale, qui était d'un naturel très gai et très communicatif, venait à peine de s'asseoir et causait avec volubilité avec Franck, quand M. Fothergill, qui était assis au bas de la table, le pria de dire le bénédicité. Il semblait décidément impossible que le duc consentît à faire lui-même à ses hôtes les honneurs de sa propre table. M. Athale interrompit donc sa conversation et murmura une prière, si du moins on peut lui donner ce nom, pour demander à Dieu de les rendre tous reconnaissants des biens qu'il leur accordait. Lorsque les convives étaient entrés dans la salle à manger, deux ou trois autres personnes y étaient entrées aussi par une autre porte et vinrent s'asseoir tout près du duc. C'étaient ses propres hôtes, ses amis particuliers, les hommes avec lesquels il frayait. Les autres étaient des étrangers qu'il invitait à sa table une fois par an peut-être, dans l'intérêt de sa popularité. Ses convives étaient presque tous inconnus à Franck, mais non à M. Athale. « Voilà Upjohn, » dit-il à Franck. « Ne connaissez-vous pas M. Upjohn, le notaire de Barchester ?»« Il est toujours ici. Il fait quelques affaires pour M. Fothergill et se rend utile. Si quelqu'un s'est apprécié un bon dîner, c'est bien lui. Vous verrez que l'hospitalité du duc n'est pas perdue pour Upjohn. »« Elle l'est certes bien pour moi, » dit Franck, qui ne pouvait se faire à l'idée de dîner chez une personne qui ne lui avait même pas adressé la parole. « Allons donc, » reprit M. Attill, « vous ne tarderez pas à vous amuser beaucoup. Il n'y a pas dans tout le comté de champagne à comparer à celui-ci. Quant au vin de Bordeaux... » Et s'interrompant, M. Attill pressa ses lèvres l'une contre l'autre en faisant un signe de tête qui voulait dire que le vin de Bordeaux du château de Guthrum dédommageait amplement de tous les ennuis qu'il fallait subir pour le boire. « Quel est ce drôle de petit homme assis à côté du voisin de M. de Courcy ?» demanda Franck. « De ma vie, je n'ai vu une pareille caricature. Comment ? Vous ne connaissez pas le vieux Bolus ? Je croyais qu'il était connu de tout le Barsetshire, et de vous surtout, puisque c'est un ami du docteur Thorne. » « Un ami du docteur Thorne ?»« Oui, il était autrefois médecin à Scarrington, avant que le docteur Philgrave devint l'homme à la mode. Je me souviens même que Bolus passait pour un assez bon médecin. » « Mais est-ce un homme bien élevé ?» demanda tout bas Franck. Voyons, soyons charitables, et disons qu'il vaut du moins autant que beaucoup d'autres ici présents. » Et tout en parlant, M. Attill s'était penché vers l'oreille de Franck. « Voyez, continua-t-il, voilà Fini, autre notable de Barchester. Or, où Fini va, Bolus, à mon avis, peut bien aller aussi. » « Plus on est de fous, plus on rit, je suppose, » dit Franck. « Oui, c'est à peu près cela. Mais je voudrais bien savoir pourquoi Thorne n'est pas ici. Je suis sûr qu'il a été invité. » « Il ne se souciait probablement pas de se trouver avec Bolus, c'est fini, et je crois qu'il a eu parfaitement raison. Pour ma part, je voudrais bien être ailleurs. » « Oh, oh, oh, vous ne connaissez pas encore le duc, et puis vous êtes jeune, heureux mortel. Mais Thorne aurait dû être plus raisonnable et faire acte de présence. » En attendant, la gourmandise allait bon train. Quoique, dans le premier moment, la présence du duc eût arrêté la volubilité des langues, les convives n'en perdaient cependant pas un coup de dent. M. Upjohn, qui était assis en face de Franck, s'était arrangé, grâce à une habile manœuvre, à se faire donner une hure de saumon. Mais il n'avait pas été aussi heureux pour la sauce. Il trouvait qu'on n'en avait pas mis assez sur son assiette. Un domestique, tenant une immense saucière, passa derrière lui, sans faire attention à sa demande. Dans son désespoir, le pauvre Upjohn se pencha en arrière pour arrêter l'homme par le pan de son habit, mais il arriva trop tard et faillit tomber à la renverse. Il recouvra son équilibre, murmura une malédiction et regarda son assiette avec une angoisse muette. « Qu'y a-t-il, Upjohn ?» lui demanda M. Attill. « Désirez-vous quelque chose ?»« La sauce !» dit M. Upjohn d'une voix qui eût attendri un rocher. Et il montra à M. Attill le domestique inattentif qui distribuait ses faveurs à 10 pas plus loin. M. Attill savait à qui s'adresser pour trouver un baume à pareille blessure, et en moins de quelques minutes, M. Upjohn était servi selon ses désirs. « Cela est bien pour une fois en passant, » dit Franck à son voisin. « Mais après tout, je crois que le docteur Thorne a eu raison de ne pas venir. »« Mon cher M. Gresham, il faut voir le monde sous toutes ses faces, » dit M. Attill, qui, pendant tout ce temps, avait mis une grande complaisance à satisfaire son propre appétit. « Étudiez le monde sous toutes ses faces. Si vous en avez l'occasion, et croyez-moi, un bon dîner de temps en temps est une excellente chose. Oui, mais je n'aime pas le manger avec des pourceaux. Chut, doucement, doucement, Monsieur Gresham. Vous troubleriez la digestion de Monsieur Upjohn. Il n'est pas encore fini, je vous en réponds. Pour ma part, j'aime assez ces espèces de dîners de temps en temps. Ah, vous les aimez, dit Franck. Oui, vraiment. C'est une si bonne occasion d'étudier le caractère humain. Et après tout, quel mal y a-t-il ? Pour moi, je suis d'avis qu'on doit vivre avec ceux dont la société nous est agréable. Vivre ? Oui, monsieur Gresham. Sous ce rapport, je suis du même avis. Je ne voudrais pas vivre avec le duc d'Evry. Je ne le comprendrais pas, ou n'approuverais pas probablement sa manière d'agir. Je n'aimerais pas davantage la constante société de monsieur Upjohn, mais de temps à autre, une fois ou deux par an, j'avoue que cela me plaît assez. Voici la coupe. Allons, monsieur Gresham, ne la laissez pas passer sans y goûter. » Le dîner parut long à Franck et bien court à monsieur Upjohn. Puis le vin commença à circuler librement, les langues se délièrent de nouveau, et sous l'influence d'un généreux vin de Bordeaux, la présence du duc fut complètement oubliée. On ne tarda pas à servir le café. « Bon, se dit Franck, ce sera bientôt fini. » Mais il se trompait. Le duc prit sa tasse de café ainsi que ses intimes, mais le mocha ne paraissait pas être en grande faveur auprès de la plupart des convives. Quand le duc eut vidé sa tasse, il sortira sans dire un mot, sans faire le moindre signe. « Maintenant, messieurs, » dit M. Fothergill d'un ton joyeux, « rien ne nous gêne. Abjohn, y a-t-il du Bordeaux là-bas ? M. Bolus, je sais que vous entendez au Madère, et vous avez raison, car il n'en reste pas beaucoup, et je doute qu'on n'en retrouve jamais de pareil. » C'est ainsi qu'en l'absence du duc, ses convives continuèrent pendant 2 heures leur joyeuse libation. « Ne le reverrons-nous pas ? » demanda Frank. « Qui ? » dit M. Attil. « Le duc. » « Non, vous ne le reverrez plus. Ils sortirent toujours après le café. On l'apporte ici en guise de prétexte. Nous ne reverrons plus la gloire de sa face avant l'année prochaine. »« Je me retire, » dit Franck. « Quelle folie ! Monsieur de Courcy et votre autre ami en ont encore pour 1 heure au moins. »« N'importe, je vais prendre les devants. Ils me rejoindront avec la voiture. »« Il se peut que je me trompe, mais il me semble qu'un homme m'insulte quand il m'invite à dîner et qu'il ne m'adresse pas la parole une seule fois. » Il aurait beau être 10 fois duc d'Evry, il ne pourrait être plus qu'un gentleman, et comme tel, je suis son égal. » En disant ces mots, Frank sortit et reprit le chemin du château de Courcy. Frank Gresham était conservateur par la naissance et par l'éducation, tandis que le duc d'Evry était bien connu pour ses opinions libérales. Or, il n'y a personne de moins disposé à n'admettre aucun supérieur que le tory de naissance et d'éducation, et personne de plus porté à exercer le despotisme absolu que le Whig déclarait. Frank avait fait 6 000 environ quand ses amis le rejoignirent, mais son irritation était à peine calmée. « Le duc a-t-il été aussi poli envers vous que de coutume lorsque vous avez pris congé de lui ? » demanda-t-il à son cousin en montant dans la voiture. « Tout ce que je sais, c'est que le duc a de fameux vins, mon cher, » dit l'honorable George d'une voix avinée, tout en lançant un coup de fouet à ses chevaux.